faut savoir, c'est merveilleux. Je sens sa main dans mes cheveux, oh si c'était elle, oh oh oh, quelle chance pour mon cœur. Ouais ouais ouais ouais ouais, oh si c'était elle, moi je repense au bonheur. Sera comme autrefois, tout ce chagrin ne sera rien pour moi. Et j'imagine déjà les mots à dire pour la garder à nouveau auprès de moi, comme si c'était elle. Oh, oh, oh, quelle chance pour.